Alors, le temps pour moi de vous dire au revoir, juste pour vous dire que aujourd'hui, au Festival Archipel, vous avez les installations sonores qui sont accessibles, celles de Suzanne Boulet, Las Chulas, Matteo Luthi, Benoît Renaudin, le fanzine qui va bientôt démarrer ses activités, la librairie qui ouvrira aussi, et puis Natalia Dominguez-Rangel qui a son windshield, wearable sound sculpture que vous pouvez porter pour aller vous promener et vous prendre pour un microphone. À 12h30, 13h, il y aura Albertine et Germano Zullo qui seront dans la salle de jeu avec un spectacle. Ensuite, le concert électroacoustique de 14h30 à 16h dans le salon d'écoute. Ensuite, à nouveau, Albertine et Germano Zullo de 15h30 à 16h dans la salle de jeu, toujours. 16h30, 17h30 dans la grande salle, il y aura un concert avec des œuvres de Kaija Saario, le duo Imminent et Céline Henny. Un concert pour les familles dans la grande salle. Ensuite, à 19h, de 19h à 20h, un concert autour du travail de Marianne Schuppe. Et de 21h à 22h, dans le salon d'écoute, l'échange magnétique numéro 3, avec des propositions notamment d'Angelica Castello et d'Anne-Julie Rollet que nous avons reçues tout à l'heure, qui seront accompagnées sur bande par Antonine Daguerre, Lionel Marchetti, Jérôme Nottinger et Luci Schneider. Et c'est le moment de passer au partage d'écoute qui se déroule actuellement. Au salon d'écoute, c'est le partage d'écoute aujourd'hui de Madeleine Leclerc que vous pouvez écouter sur nos ondes ou que vous pouvez rejoindre justement dans le salon d'écoute, et je vais leur passer la parole dès maintenant. Au revoir et à demain.